minuit 1h, minuit 1h, c'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Et c'est parti pour Rail Suprême, un Rail Suprême avec DJ Case comme chaque dimanche soir au contrôle. Dimanche, oui. Et ce soir, tu n'es pas venu seul, Case. Je suis pas venu seul, non. Tu es venu en équipe. Oui, avec deux artistes, Ritza et Lilia, DS. Bienvenue, bienvenue à vous, comment ça va? Merci. Ça va et toi? Ça va en pleine forme? Ouais, toujours. Nickel. Bon, tu nous les présentes ou ils se présentent eux-mêmes? Rapidement, en fait, Ritza, on a pu le voir sur le projet Par Honor qui est sorti cet été. Il chante R&B, il fait un peu de tout, il rappe aussi. Donc, Brillant, voilà. Artiste de Orléans. Complet. Merci. Le 45. Et Lilia, on a ramené aussi les saveurs du Sud. Lilia DS qui vient de Toulouse. Donc elle nous ramène son accent et là on va pouvoir les écouter. Ça va bien? Oui, nickel. Bon, et alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une sortie, il y a quelque chose qui se prépare, Kaïs. C'est ça. Alors sur les réseaux sociaux, on a pu parler d'un titre. Le titre c'est 100 mecs, 100 meufs. Donc Ritza et Lilia, 100 mecs, 100 meufs. Voilà. 100 mecs, 100 meufs. Voilà. Et c'est désormais dispo sur iTunes. Donc on va en même temps le faire découvrir en avant-première. Et en exclusivité sur Rail Suprême Skyrock. D'accord. Comme on avait déjà l'habitude de faire découvrir des sons qui ont cartonné par la suite, on espère que celui-là aussi cartonnera. Donc là, dès maintenant, si on clique, on l'a. C'est ça. Il faut y aller là. Il faut y aller dès maintenant. Ouais, exactement. Tout de suite, il y a un morceau qui est disponible. Exact. On peut aller cliquer. Exactement. On aura la chance de l'écouter durant l'émission. Donc restez à l'écoute. Bon, bah c'est vous qui ambiancez le Rail Suprême, c'est Case au contrôle. On y va? On va y aller. Ah bah ouais, t'es chaud toi, t'es parti. Skyrock, Rail Suprême, c'est DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. Black man. Kai au platine. DJ Kai, c'est le tiki tiki dawa. DJ Kai au platine. DJ Kai, c'est le tiki tiki dawa.

Keys. Minuit 1h, sur Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. T'as fait qu'une séance de squat et tu fais genre tu fais du sport. T'as mis ton Snapchat en public, t'envoies des histoires à tout le monde. T'aimes trop quand ça clique, dans ta tête ça tombe pas rond. 1000 selfies par jour, bouche en cul de poule, ça tire la langue. Tout pour des retweets, tu mets tes formes en avant. T'aimes trop être courtisé que tous les boys te matent. Semelle rouge, séance du V pour que personne te rate. Tu fais la paix sur les réseaux car les talents te follow. Faudra pas s'étonner si tu finis solo. En public ça fait la thug, en DM t'es pas la même. Tu fais l'inaccessible mais tu pleures pour celui que t'aimes. H24 sur ton tel, tes followers passent avant tout. En maillot sur Instagram, sans commentaires par jour. Tout ça c'est pas pour moi, en vrai tu pars en live. Reste avec ton buzz, faut être discrète pour être ma wife. Si tu parles à 100 mecs, tu finiras sans mec. Sur iTunes. DJ Case, il est au contrôle sur Skyrock ce soir. Avec voilà. des invités, Ritza et Lilia qui viennent d'interpréter 100 mecs, 100 meufs. 100 mecs, 100 meufs. Voilà, un thème. Voilà. Le compte est bon. On retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est ça. Donc c'est votre morceau, ça, il est dispo dès maintenant, on peut aller cliquer. Exactement, sur iTunes tout de suite. Donc on peut cliquer. Sans hésiter. N'hésitez pas à le retrouver. C'est quoi? C'est sur un projet qui sera sur, chez qui celui-ci? C'est la réédition de l'album de Case. Paris, c'est vrai qu'on n'avait pas présenté, c'est vrai. Et voilà, c'est non, pour mais ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Tu sais, moi, l'été, je suis plus réveillé. Ah, t'es plus vif, ouais, bah, dès que l'hiver arrive. J'hiberne. Dès que l'hiver arrive, on t'a perdu, en fait. Voilà, donc ça sortira en décembre. Et donc, alors, explique un petit peu. Il y a la réédition de l'album qui a cartonné. Voilà, hein. Voilà, l'album qui a cartonné cet été. Et donc, on fait une réédition. Il y aura dedans des remixes et ce titre. Donc, 100 mecs, 100 meufs. Avec un autre ou deux autres inédits encore. Et rappelle-nous qui fait 100 mecs, 100 meufs. Ritza et Lilia DS. Voilà. Gros big up à Justin Record aussi. Si, Justin. T'as ajouté quelque chose, Ritza, Lilia? Non, ben voilà, c'est un son qui parle sur la génération d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les coiffures, etc. Quoi. Ah, c'est temps de dénoncer un petit peu tout ça, je pense. Ouais, que de cheval à la Zlatan, tout voilà, ça, là, tu vois. Ça. Je vais pas balancer, il y en a un derrière vous. Ouais, il y en a un. Sorry. Mais il est sans meuf, justement. Oh merde. Ou peut-être qu'il a sans meuf. Ah, peut-être. Pas. Ah, il est plutôt d'accord pour la deuxième version, ouais, pour la deuxième possibilité, ouais. Bon, un petit mot quand même sur ta partenaire Ritza, tu la connaissais avant ou pour... On s'est connus sur les réseaux. Sur les réseaux. Voilà, voilà, et elle m'a envoyé une maquette d'un son et j'ai tout de suite accroché. Je trouve vraiment qu'elle a un truc qui sort du lot, quoi, qu'on n'entend pas tous les jours. Elle a une voix que j'apprécie vraiment, donc voilà. Et alors toi, pourquoi tu lui as envoyé alors? Eh ben parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup aussi. C'est vrai. Et ouais, ça me tenait à cœur de faire une collaboration avec lui. Et voilà, super. Le résultat, voilà. Très satisfait. Et ben le résultat sera donc dans les bacs, et dans les bacs dit virtuellement parlant maintenant, on peut l'expliquer. Ouais, exactement. Dès maintenant, ou alors dans les bacs en support physique au mois de décembre, c'est ça, Kaïs ? C'est ça. Sorti sur le Paris Oran New York. Réédition. Yes. Réédition. Rééditeur. Voilà, voilà. Il y aura beaucoup de surprises dessus ou quoi, Kaïs ? Oui, je laisse les surprises comme d'habitude. Bon, on va revenir. En fait, non, la seule info, c'est que ce projet sera là, mixé pour la réédition. C'est-à-dire que tous les titres qui étaient justement inédits sur le Paris Oran New York de cet été, là, on les mixera sur le prochain. Donc, gros show mixé des titres de Paris Oran New York avec des inédits, des remixes, tout ça. Ok. Ce que je sais faire de, apparemment, le mieux. Bien. Voilà. Si, il y a un autre truc que tu sais bien faire, c'est tes soirées. Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu cette semaine ou dans les jours qui viennent, Kaïs ? Ah oui. T'es prêt ou t'es pas prêt ? Si, je suis prêt. Je suis de l'agenda, là. Hein. Ouais, ouais, parce qu'on sait que le mec, vous aidez. Ritza, t'as des trucs, toi, ou pas ? Vous avez des trucs annoncés aussi ? Nous, à part le single. Bah, rappelez, où est-ce qu'on peut vous suivre, tiens, sur les réseaux sociaux, les gens qui veulent avoir plus d'infos sur vous ? Moi, la page Facebook, c'est Ritza officiel, Twitter c'est Ritza officiel, Instagram pareil Ritza officiel, et Lilia après à toi. Bah moi sur Facebook c'est Lilia DS, LILYA, plus loin DS les lettres, et pareil sur la chaîne YouTube et sur Twitter. Avec voilà, ce petit accent toulousain. Allez cliquer. Exact. Allez cliquer. Ramener le soleil. Voilà, c'est les artistes, c'est les génies de province là. On a Orléans et Toulouse ce soir. Ouais. Orléans et Toulouse, voilà. Représentés au micro. Et toi, et vendredi, Case. Moi, je suis à Lyon pour la transition. Ah bah, voilà. Voilà, on fait le tour de France. Et vendredi, donc à Lyon, c'est au Red Room. Le samedi, le lendemain, c'est au Surfer. Ça se trouve en Bretagne, je crois, vers Quiberon. Le 21 novembre. Quiberon. Ah non, je vais aussi oublier demain. À Quiberon. À Quiberon. Voilà, à Quiberon. Voilà, c'est en Bretagne. Je crois que ça se prononce comme ça. Quiberon. Quiberon. Quiberon. Quiberon. Voilà, quand tu iras là-bas, tu. Il y en a un qui bronche. Je prends vraiment biberon là-bas. Quiberon. Ah bah là-bas, ça, tu peux prendre des sacrés biberons. Et j'avais oublié. Demain, alors, en fait, c'est une veille de jour férié. C'est ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Lundi soir, donc demain, je suis en Belgique, au Royal, à Mons. Non mais. Case, 11 novembre. Eh oui. C'est Armistice. Voilà. Armistice. 14-18, ça te rappelle. Pour un mec qui a eu un duck d'histoire. Ah ouais, franchement. On se demande quelle histoire. J'en ai eu marre des histoires. Et le 21 novembre, le Palladium à Reims. Le 22 novembre à Rouen. Et au Palme dans le 78. Et voilà. Et le 23, je suis au News Café. C'est à Paris, Montparnasse. Très bien, bah. De toute façon, on va tout remettre dans l'ordre. Ouais, parce que là, c'est un peu le bordel. C'est un petit peu le bordel. Donc, on remettra dans l'ordre là d'ici une petite vingtaine de minutes. On repart pour une nouvelle session dans un instant. Dans un instant. Oui. Ne bougez pas, le retour de DJ Case. Minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. On est trop à souffrir, mais ma sœur, le monde est à nous. Je serai là pour te soutenir quand tu te sentiras seul sur ta route. Je les vois, nos ennemis ne peuvent rien à part parler sur nous. On les a endurcis, promenade et numéro d'écrou. Moi j'ai jamais changé, je vois des frères devenir parano. Les choses vont s'arranger, de boulot en petit boulot. La galère m'inspire, je viens de là où les rêves tombent à l'eau. Moi j'ai pas fait Saint-Cyr, tous les soirs je regarde là-haut, là-haut. Le dernier de la classe sera premier sur iTunes. Un pied dans le showbiz et puis l'autre sur le bitume. Écrire avec le cœur et laisser quelques plumes. J'ai de la famille dans le sud, j'ai de la famille dans le rive. Qui peut me stopper, pas leur vin de long rive. Tu t'es embourgeoisé, Roya, pourquoi tu te plains? Moi j'ai pas retourné ma veste, Billy plein. Passer en bolide,

لنبكيش يوقول عنا شعبية الحالة قطعت بحور ثماني دور والغربة قد تعلم لنبكي نشكي وقول على شعبية الحالة مركاني العالي من اللي تحداني يغلبوا براني كثير أنا فكرت بنادي وعية النادي سهر ربي مهدى أنا مركاني العالي من اللي تحداني يغلبوا براني كثير أنا فكرت بنادي وعية النادي سهر ربي مهدى أنا entre Mohamed, Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dans son bled. Salut au président, ça coule dans son bled. Salut au président, ça coule dans son comme dans son ensemble. Là je suis dans la transition dans son pensant au notre pays. Si avant la pupille, ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes on s'éternise, on frappe à valer du râle. Les putains sont sternis, c'est que des lards qui font crâle. Y'a pas le plat, pas comme délire ou t'admirer. Je mets une race, pas après je m'en irai. Vivant, on y pète devant, gardez l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défend à l'histoire. On s'en fait tard, les clés qui en transe. Pour ceux qui quittent leur famille ensemble, on rentre en France. Pour les tiers là-bas, et se confier à Tarasli. Tu sais que le chef des chefs, il s'appelle Hosni. DJ Case te mixe tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock.

mais tu fais trop le beau, tes réseaux ta go. DJ Kenz, Lilia. Continue comme ça, tu finiras solo. Quand ça va mal, y'a des dalleuses pour te consoler. Ton corazon prend des ailes, mais c'est fait voler. Quand t'as tes yeux couleur, cannelle illusion. Factice réel, ça sent bon. Lilia. La chicha passée en pomme, délicatement allumée, mais ça part en fumée. DG devant le cahier, c'est love. Tu te prends pour un boxeur, tu fais le bosseur. Ta main pas l'air, mais t'es love. Retweeter les boutures et les follow comme un toutou. De liker des filles avec des femmes sur Instagram. Just on. Les pressions est faible, j'ai grillé ton game. Non, tu n'es pas ma carte. Si tu parles à son mec, tu finiras sans mec. Si tu parles à son mec, tu finiras sans mec. Tu penses me la mettre, tu finiras sans mec. Mais toi, arrête ton bluff, tu finiras sans mec. Yeah. Sur iTunes, like. Tu fais trop le beau. Skyrock. La la la la la la la la. Continue comme ça, tu finiras solo. Okay. Si yeah. Yeah. On le sait, on le sait d'avancer. Si toi et moi, on y croit, entre nous ça peut marcher. Ok, je suis posé, on essaie d'avancer. Tu le sais, mais prouve-le-moi. Je suis ok, je vais me ranger. On essaie d'avancer. Si tu parles à son mec, tu finiras sans mec. Si tu parles à son meuf, tu finiras sans meuf. Tu penses me la mettre, tu finiras sans mec. Mais toi arrête ton bluff, tu finiras sans meuf. Paris, Oran, New York, yeah. DJ Kenz, Justin, il y a des, tout ça. Yeah. Skyrock, Rai Suprême, c'est DJ Kenz, DJ Kenz. خوتي الليلة خلوني نحكي شبيبة راه غيت رزكي وانت عليا راك غيت تشكي داخلها ويسكي قالت الشيرة غيت رشي الراجل ولا غيت عشيشي بغي شيشة ولي سوشي دو ما تجي تخل سوسي حبسو لي سوخسي كلشي ولا حرام بلاد الشيطان ولي بوسي فرباليزية فلي شونزيليزية ما بيش تضرب لاسي واقو فابا ماليزية عربوش مي كحلوش باين يردونا وحوش فيلا نوي كتلقى ابو كتبغي لي ماك تيدخلوش بزاف الحلوشة فاري راه مشلوشة افيك ما تدو عربي امبوسيبل نكون انوشة عندي دمي توزي جزائري مغربي زعر عندي دمي توزي جزائري مغربي صحراوي عندي دمي توزي جزائري مغربي صحراوي شاوي حمراوي كين رابي وارنو باري سموني ابوكا سما وعرف تتشوكا شيو بلاد افيك لي فخير اون فيلا في دالوكا الواحد شوف باري راني راني تيعي لا بوشو سطلا راهي دور سون بيديعي بلاد الشيطان خويا سي لابيليتي نيكو دعوة ليلة علي تبيعي الواحد شوف باري راني راني تيعي لا بلوشو سطلا راهي دور سون بيديعي بلاد الشيطان خويا سي لابيليتي نيكو دعوة ليلة علي تبيعي راني في باريس وش في مونبيز ونيكو دعوة ليلة علي خوتي في في في ولاد كازا في في في في ولاد كازا شوفوا فيا تفرجوا في التلفازة يوليو ما ضحكوا غدا كنازة يوكاتا قابلتي ابروكا القاعدة جرب دربوكا شامبان محيا الفودكا قرعة ويسكي وقرعة كوكا في خاطر وتخلي مراد لا كان فيزا نلعبوا لورا شفنا العودة نتاع الفيراريات ماشي بحالة تلعب على بورا اليوم في باريس غدا في السطات وبعد غدا في العمارات عندي الكلمة تاع الراجل ماشي الكلمة تاع بيرا يا مدبس البكيني كير غير ميمة البكيني العروسة لابسة البكيني تحدي ستارو سالامبورغيني جات لعندي قلت ليها برانيك ستات الصباح نتلاقاو في الكاباريك وليت حد ولد الحمام كما يا حلوة على الرومان صحيت انا صحب الشمال قال لي معلم ستي معلم ستي معلم ستي معلم وراني امون دون لي بلوتوث تي ليس موي كيكي باي dégager grave la pêche. Faut que je me taille un week-end à Casa en passant par Marrakech. Car en France c'est grave la dèche. On cherche tous à faire de la moula. Faut que je me bouge de BVS. Donc avec moi je ramène mon gars Puna, Puna, Puna. Je suis toujours à la furebeu. Je suis toujours dans la cul depuis que t'as entendu mon débit. Bizarre mon gars, vas-tu ne j'accuse. Je prends toujours parti pour mes potes. Mais là mon gars t'abuses. À chaque nouveau couplet je les chope comme mon gars va MOH la ruse. Mehdi Benatia, dealer, tous les chemins mènent à la S-ROM. Ils aimeraient tous rapper comme moi. Donc jusqu'en cabine ils m'espionnent. Si t'arrêtes de rapper, en vrai c'est un mal pour un bien. Les rappeurs sont comme les chanteurs de zouk, toujours à chialer pour un rien. Siana c'est fatal, je veux la maille du Qatar. Si tu veux graille arrive à l'heure, sinon on prendra ta part. Mes Harbis sont tous hal cette année, j'ai en tout graille. Histoire de finir mes jours dans une villa à Dubaï. Cette année je vais être partout comme le drapeau algérien. Mon son c'est de la frappe comme le pilon marocain. DJ Kayz au contrôle oui. De Rail Suprême. Eh un ouais. Titre que tu as méchamment coupé quand même, Kayz. J'ai hâte de le signaler. Il bah, y a des horaires. Il y a des horaires, il y a des horaires. Horaires respectés. On le remettra peut-être la semaine prochaine. Il y a des genoux nets qui veulent qu'on respecte des horaires. Ouais, genoux nets. Elle est là, c'est elle qui contrôle le. Alors d'ailleurs, bien, on n'oublie pas de follower. Une voix bien masculine, la genoux nette, hein, étonnant. D'où le compromis. Un truc chelou, hein, quand même. D'ailleurs, je vous tu voulais follower qui alors? Follower le. Le sur Twitter, c'est Rail Suprême, donc il y a oui. Un compte sur Twitter, voilà, et là il y a toutes les infos, il a envie d'être votre ami ce Twitter. Rail Suprême, donc allez cliquer sur le Twitter de Rail Suprême. On va saluer tes invités qui étaient là ce soir, qu'on retrouvera donc sur la réédition de ton album. C'est ça. Ou et alors dès maintenant on peut cliquer sur le titre, ouais, sans mec sans meuf, Ritza et Lilia. Lilia de Toulouse. Tu voulais pas dédicacer à des Toulousains? Exactement. Ah. Alors je voulais faire une dédicace déjà à Elsaï qui est présent ici avec moi. Et je voudrais faire une dédicace à Zoer, à Soso Elliott, à la famille Fritz. Et big up à tous ceux qui me soutiennent. Et gros gros gros gros. Et alors rappelle pour te suivre toi Lilia, on fait comment alors? Alors moi c'est sur Facebook, c'est Lilia DS, L-I apostrophe L-Y-A DS les lettres. DS pour te retrouver et pour te suivre. Voilà. Petite très DS. Bien. Et Ritza qui était là aussi avec nous. Voilà. On commence à connaître Ritza qui sera aussi sur Paris, Oran, New York, la réédition, il y était déjà. C'est il ça. Revient. Moi je dédicace Justin et Kayz. Et d'ailleurs il a un album aussi qui sort en oui, début 2015. Voilà, c'est ça. Février, hein, c'est un avant-goût ça. Mais là on a bien choisi, je trouve. Ouais, on là, suivra ça pour 2015. Le meilleur reste à venir. Rappelle les soirées, Kayz, oui, parce que sûr. Tout à l'heure on a rien compris. Un petit peu confus. Voilà. Tout à l'heure j'étais sans meuf. Bon. Ça va. Alors demain, je suis à 1 en Belgique, c'est à Carignan, c'est à la frontière belge-française, c'est au Royal. Vu que c'est une veille de jour férié, donc on vous y attend nombreux. Allez-y. Nombreux. Le vendredi 14, ça, c'est à Lyon au Red Room. Le samedi 15, au Surfer, c'est en Bretagne. Je vais pas dire. Quibron, ouais, voilà. Quibron, Van. Quibron, c'est ça. Secteur là. C'est là où la genounette va en vacances. Après 2-3 tournées, tu vas voir, tu sauras le dire, mais tu n'auras même plus bouger. Avec mon biberon. Voilà. C'est après, tu fais ce que tu veux, hein, Kayz. Le vendredi. T'as des soirées cheloues, quand même, mec. Le vendredi 21 novembre, c'est au Palladium, c'est à Reims. Et le samedi 22 novembre, je suis en première partie à Rouen. Et en seconde partie au Palm, c'est dans le 7-8. Voilà, voilà. Très bien. Bah, allez voir Kayz voilà. En live, en chair, en os. De manière, toutes les infos sont sur la page fan Facebook DJ Espace Kayz. Et sur Twitter, Instagram, DJ Kayz Paris. Merci, Kayz. Voilà. Merci à mes merci invités à vous deux. Voilà, merci à vous. Voilà. De s'être déplacé un dimanche soir ouais. Dans le froid. Dans le froid. Oh là là. Mais la musique nous a réchauffé. Merci. Exactement. Ah, je l'attendais celle-là. Ouais, elle était simple. Elle glissait toute seule. Bon, ciao à tout le monde. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Big up à Amira. Eh bah, bisous à Amira. Et le son, c'est le retour maintenant rap R&B en non-stop sur Skyrock. Et la semaine prochaine, retour de Rail Suprême. Ciao, ciao.